Lundi à CNX.zip. On compresse la semaine du 28 septembre avec Autour du net, Nouvelles du futur, Trucs cool et Gogo Gadget. Tout ça en plus de chroniques originales et de musique de jeux vidéo. C'est à CNX.zip, lundi 10h.